En fait, Blaise de Sandrars a bien vécu et beaucoup bourlingué. Voici son plus long et plus beau poème, écrit en 1913, mais publié comme le précédent en 1957 dans « Du monde entier au cœur du monde ». Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Dédié aux musiciens. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours. Car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare, croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et leur moelleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés, et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser, et toutes les vitrines, et toutes les rues, et toutes les maisons, et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillonnant sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe, et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou, où je voulais me nourrir de flammes, et je n'avais pas assez des tours et des gares que costellaient mes yeux. En Sibérie, tonnait le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra, et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Pas de nature. Et derrière, les plaines sibériennes, le ciel bas, et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent. Je suis couché dans un plaid, bariolé comme ma vie, et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais. Et l'Europe tout entière, aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur, n'est pas plus riche que ma vie, ma pauvre vie. Ce châle est filoché sur des coffres remplis d'or, avec lesquels je roule, que je rêve, que je fume, et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée. Du fond de mon cœur, des larmes me viennent. Si je pense amour à ma maîtresse, elle n'est qu'une enfant que je trouvais ainsi, pâle, immaculée, au fond d'un bordel. Ce n'est qu'une enfant, blonde, rieuse et triste. Elle ne sourit pas et ne pleure jamais. Mais au fond de ses yeux, quand elle vous y laisse boire, tremble un doux lys d'argent, la fleur du poète. Elle est douce et muette, sans aucun reproche, avec un long tressaillement à votre approche. Mais quand moi je lui viens, de ci, de là, de fait, elle fait un pas, puis ferme les yeux et fait un pas. Car elle est mon amour, et les autres femmes n'ont que des robes d'or sur de grands corps de flammes. Ma pauvre amie est si esselée, elle est toute nue, n'a pas de corps, elle est trop pauvre. Elle n'est qu'une fleur candide, fluette, la fleur du poète, un pauvre lys d'argent, tout froid, tout seul, et déjà si fané que les larmes me viennent si je pense à son cœur. Et cette nuit est pareille à 100 000 autres quand un train file dans la nuit. Les comètes tombent, et que l'homme et la femme, même jeunes, s'amusent à faire l'amour.